Vous écoutez Radio Différence, l'émission radio nantaise de diversité psychique. Vous pouvez nous écouter sur le site www.radiodifference.eu. Si vous voulez participer, vous pouvez nous contacter à radiodifference@hotmail.fr. Les thèmes d'aujourd'hui est le tabac et l'ennui. Bonjour, je m'appelle Julie et je vais vous lire un texte sur l'ennui. L'ennui est quelque chose de terrible. J'ai l'impression que les gens qui ont des problèmes psy s'emmerdent à mourir. Peut-être parce qu'ils n'ont souvent pas de travail, ou là, des travails chiants, genre en CAT, centre d'aide par le travail, ou des trucs comme ça. Par ailleurs, beaucoup de handicaps psy t'empêchent d'aller vers les autres et d'avoir des relations sociales. Juste après ma bouffée dilatante aiguë, j'ai fait plein d'activités pour ne pas m'ennuyer. Maintenant, je fais pas mal d'activités associatives, politiques, etc., car l'ennui me fait peur. Quand je m'ennuie, mes douleurs musculaires refont surface, ainsi que mes symptômes psychologiques de déréalisation, par exemple, ou d'angoisse. Le fait de m'impliquer dans des activités associatives me permet d'échapper à l'ennui et donc aux symptômes psychologiques dont je souffre quand je m'emmerde. Je crois que l'ennui est déstabilisateur. C'est pour ça que ce qu'on appelle la sociothérapie et les clubs thérapeutiques sont aussi importants dans le traitement des maladies psy. L'ennui renvoie à la solitude et en général on s'ennuie quand on est seul. Et on devient solitaire quand on s'emmerde, car alors on emmerde les autres aussi. C'est un cercle vicieux, qu'il est dur de rompre. Mais parfois on s'emmerde à plusieurs. Une fois, quand j'avais fait des crises d'angoisse, j'avais demandé à l'assistante sociale du centre de santé Montagne à Barcelone si je pouvais aller à l'hôpital de jour le matin, puisque je travaillais l'après-midi, pour faire des activités qui cesseraient de m'angoisser, pour cesser de m'ennuyer. Et l'assistante sociale m'avait déconseillé en me disant « T'es aboliras, tu t'ennuieras, tu t'emmerderas ». En effet, effectivement, je me suis plus ou moins toujours emmerdée dans les centres, dans les structures pour les gens qui ont des problèmes psy. Je m'ennuie profondément. Mais je n'exclus pas que cela puisse aider d'autres personnes, que cela puisse leur faire faire des activités et briser leur isolement et leur solitude. Bonjour, je m'appelle José et je désirais vous parler d'une maladie concernant le tabac. Cette maladie est l'artérite qui est causée par la cigarette. Quand j'étais jeune, je fumais beaucoup de cigarettes, environ 2 paquets par jour. Et maintenant, je souffre d'une artérite, ce qui bloque mon périphérique de marche, ce qui est très douloureux pour moi lorsque je marche avec les pieds. C'est pour cela que je déconseille aux jeunes de commencer à fumer et d'abuser des cigarettes, car c'est une maladie qu'on ne soupçonne pas toucher les jeunes, mais qui m'a touché. J'ai que 33 ans et ça peut toucher toutes les personnes entre 30 et 40 ans et surtout les personnes entre 55 et 70 ans. Et c'est une maladie qui fait terriblement souffrir. Et avec des traitements très lourds. Je vous remercie. I wonder what you are thinking of now. Now that your house sleeps in silent renown. Once again, bite your fingernails down. Biting on the hands that shape this sound. First to go out, first little heart. First to come home, first little home. Bonjour, je suis André François et je vais vous parler aujourd'hui de l'ennui. L'ennui, pour moi, c'est quelque chose d'un peu étrange. Quand j'étais en très bonne santé, je travaillais, j'avais une famille aussi, et je J'avais beaucoup de choses à faire, a priori très peu le temps de m'ennuyer. J'étais prof, donc même le week-end, il y avait toujours des corrections à faire, des cours à préparer, et d'ennui, il n'y en avait point. Alors, je voulais parler, raconter une petite anecdote, puisque j'ai eu un épisode psychiatrique qui s'est passé en Allemagne, et où j'ai eu la chance d'être hospitalisé dans une clinique qui était, ma foi, plutôt mieux que ce que j'ai vu par ailleurs ensuite. Les semaines type, j'avais des journées très bien remplies qui commençaient à 7h30 à 8h. Il y avait du sport pour toutes les personnes, tous les patients de la clinique qui voulaient y participer. On se retrouvait donc entre 15 et 30 patients avec une prof de gym très énergique et tous les matins on faisait du sport. Ensuite, bon, après un petit déjeuner, il y avait tous les matins de la semaine 3 heures, avec une pause, 3 heures d'ergothérapie. Très agréable aussi, ça m'a permis de construire un instrument de musique, de faire de la vannerie, de faire de la poterie, et puis faire des choses assez élaborées que j'avais jamais eu le temps de faire auparavant. Donc pas d'ennui le matin. L'après-midi, après une sieste, il y avait également des activités artistiques, la plupart du temps, musicothérapie, art-thérapie, donc peinture en général, puis des cours de relaxation, des entretiens avec les psys divers, donc des semaines très remplies. C'est vrai que parfois les week-ends, les premiers week-ends quand je n'avais pas le droit de sortie, j'ai pu un peu m'ennuyer. Quand j'ai comparé ensuite, quelques années après, quand je suis revenu en France, que vivaient certains amis hospitalisés en France, notamment ici à Nantes, à l'hôpital Saint-Jacques, c'est vrai que certains s'ennuyaient beaucoup, beaucoup du matin au soir, avec très peu d'activité, aussi très peu d'entretien avec les psychiatres. C'est quelque chose de très, très différent. Voilà. L'ennui, c'est aussi très lié à la capacité qu'on a à faire des choses, à rencontrer des gens. Et en cherchant quelque chose à propos de l'ennui, je cherchais quelque chose d'artistique, j'ai repensé à une chanson, ou plutôt plusieurs chansons, sur un texte de Guillaume Apollinaire. Je vais lire ce texte. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards, l'onde s'y lasse. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme est cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente, et comme l'espérance est violente, vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé ni les amours reviennent, sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Je m'arrête là.